Ça sert à rien, et de faire semblant d'y croire, ça sert à rien. Mais je t'aime plus que ma vie. J'ai attendu tant de nuits en tremblant lorsque tu ne rentrais pas. Tant de fois cette nuit je t'ai dit.